si j'ai besoin de recul. Avocat ou non, je t'accuse. Devant moi, tu joues les têtues, ouais. Pas vraiment du genre à reculer. Depuis le temps, je suis habitué. À moi, t'es habitué. Sur le banc, t'es pas titulaire. Aucun mal à te torturer, t'ignorer. Si je te pardonne, tu feras encore pire. Et cette fois-ci, tu vas pas m'endormir. Évidemment que tu vas encore fuir. Évidemment que je vais m'en sortir. T'es, s'il te plaît, garde-les pour toi. Et s'il te plaît, ne m'en parle pas, s'il te plaît. C'est fini, ne m'en parle pas. La relation est en passage. Ces histoires, j'ai passé l'âge. Ce que tu me dis, ça me rend malade. Ces histoires, j'ai passé l'âge. Ce que tu me dis, ça me rend malade. Je veux ce qu'il est blême, pro. Je veux ce qu'il est blême, pro. Ces histoires, j'ai passé l'âge. Ce que tu me dis, ça me rend malade. D'après toi, t'as vécu. Mais combien de temps t'as perdu? Faut que tu te rendes compte de qui tu es. Tu n'es plus celui que je connaissais. C'est bon, t'as assez duré. Aucun effort pour t'améliorer. Aucun mal à te bazarder. Aucun mal à te distancer. T'oublier. Si je te pardonne, tu feras encore pire. Et cette fois-ci, tu vas pas m'endormir. Évidemment que tu vas encore fuir. Évidemment que je vais m'en sortir. T'es, s'il te plaît, garde-les pour toi. Et s'il te plaît, ne m'en parle pas, s'il te plaît. C'est fini, ne m'en parle pas. La relation est en passage. Ces histoires, j'ai passé l'âge. Ce que tu me dis, ça me rend malade. Ces histoires, j'ai passé l'âge. Ce que tu me dis, ça me rend malade. Je veux ce qu'il est blême, pro. Je veux ce qu'il est blême, pro. Ces histoires, j'ai passé l'âge. Ce que tu me dis, ça me rend malade. Tu touches pas avec tes stories. Toi et tes gosses, c'est ma phobie. Tu touches pas avec tes stories. Toi et tes gosses, c'est ma phobie. Toi et tes gosses, c'est ma phobie. Toi et tes gosses, c'est ma phobie. Ces histoires, j'ai passé l'âge. Tout ce que tu me dis, ça me rend malade. Ces histoires, j'ai passé l'âge. Tout ce que tu me dis, ça me rend malade. Je veux ce qu'il est blême, pro. Je veux ce qu'il est blême, pro. Ces histoires, j'ai passé l'âge. Ce que tu me dis, ça me rend malade.